Au pays de Jane Bowles, un feuilleton en 5 épisodes de Amalia Escriva, 3e épisode, La mer. À Tanger, Amanda questionne Paul Bowles, époux de Jane Bowles, écrivain également, morte en 1973 et qu'elle admire par-dessus tout. Amanda rencontre aussi Florence et Isabelle Géroffi, libraires à Tanger et amies des Bowles. Elle cherche à savoir qui était vraiment Chérifa, l'amante de Jane qui partagea les dernières années de sa vie et devint aussi un personnage de ses textes, mais qui, selon certains, poussa Jane vers la folie et la mort. Amanda s'interroge aussi sur cette fascination d'Irène pour ces êtres étranges et instables qui attiraient aussi terriblement Jane. Mais avec Chérifa, Jane ne rejouait-elle pas, sous un autre registre, quelque chose qui appartenait à sa relation, à sa propre mère? Si vous obtenez ce que vous voulez, elle restera comme ça. Laissez-la partir. Si vous l'aimez, laissez-la s'en aller. Ne l'arrêtez pas. Vous l'utilisez. Vous avez besoin de Molly. Vous ne l'aimez pas, vous l'utilisez. À l'époque où Irène avait acheté In the Summer House, unique pièce de Jane Bowles, qui n'était pas encore traduite en français, on vivait ensemble dans mon appartement. Après la lecture de la pièce de Jane, on avait parlé pour la première fois de faire ce voyage à Tanger et à Malaga. Vous ne savez pas ce que vous dites. Vous ne savez rien de moi, pas plus que de Molly. Vous ne saurez jamais rien. Quand elle s'est mariée, elle était désespérée. Elle pleurait comme un bébé et me suppliait de rester. Mais vous voulez me l'arracher à moi, sa mère. Elle m'aime davantage que n'importe qui au monde. Elle a besoin de moi. Et dans son cœur, elle est comme une enfant. Si vous obtenez ce que vous voulez, elle restera comme ça. Laissez-la partir. Si vous l'aimez, laissez-la s'en aller. Ne l'arrêtez pas. Je l'ai fait seule, finalement, ce voyage, après qu'Irène eût quitté l'appartement, ou que je lui ai demandé de le faire. Je ne sais plus. On n'a jamais très bien su, ni elle, ni moi. Ce voyage, je l'ai fait pour elle, pour moi. J'ai quitté Paris pour Tanger à Noël, en 1995, m'arrêtant à Malaga. Il pleuvait sur le sud de l'Europe et le nord de l'Afrique cette année-là. Une pluie sauvage, forte, qui vous assommait du matin au soir. Tanger était brouillé, flou et froid. Arrivé à Tanger, je trouvais auprès de Paul Bowles et de tous ceux que je rencontrais pour me parler de Jane, le souvenir malaisant de Chérifa, fantôme toxique collé à sa mémoire, inséparable des dernières années de Jane au Maroc. Certains disaient qu'elle avait envoûté Jane, d'autres que Jane n'avait pas besoin de ça. À Tanger, on l'appelait Haya, ce qui signifie sorcière ou cobra. Je pensais dans un premier temps la rencontrer. J'avais peur d'elle. Des femmes qui lui ressemblaient, j'en avais vu au marché du Grand Soko, dans la Médina. Des femmes de la campagne tangéroise, venues vendre des herbes et des graines. Des femmes grandes, solides, qui posaient sur moi un regard bref et condescendant, puis continuaient à parler entre elles, dans cette langue que je ne comprends pas. Elles me prenaient pour une touriste, avec mon appareil photo et ma solitude. Je ne les intéressais pas. Je ne rencontrais pas Chérifa. Ce que j'avais compris à travers mes lectures, mes discussions avec Irène, ce que j'ai vérifié à travers mes rencontres à Tanger, c'est que du temps de Jane, Chérifa rêvait d'occuper toute la place auprès d'elle, de prendre l'amour de Jane, le pouvoir sur Jane, de faire disparaître Paul de la vie de Jane. Comme si elle avait pu lui arracher une partie d'elle-même. Sans Paul, Jane n'existait pas, même du temps de Chérifa. Jane resta toute sa vie officiellement Madame Bowles. Il lui était impossible d'envisager qu'elle ne le fût plus. Son mariage avec Paul était un mariage de convention, dès la fin de leur première année de vie commune. À travers ce lien conjugal qui sauvait les apparences, Jane ne faisait-elle pas allégeance à sa propre mère ? Jane ne le dit pas, ne l'écrit pas. Quoi qu'il en soit, c'était un mariage de grand amour. Ça, on le lit dans les lettres de Jane à Paul. Ce mariage de grand amour dura toute la vie de Jane, et bien après encore pour Paul. À Tanger, M. Bowles entretenait Mme Bowles, qui entretenait Chérifa avec l'argent de Paul ou celui de sa mère, ou avec les deux. Oui, mais c'est fou parce que elle prenait beaucoup, beaucoup plus pendant la vie de Jane que ce qu'elle aurait pris après sa mort. Alors, c'est pour ça que c'est difficile à croire. Mais elle faisait toutes sortes de choses assez sinistres. Elle restait à côté de Jane pendant la nuit en train de chuchoter, en train de lui dire Kirsten Fluss, j'ai besoin d'argent, je dois avoir de l'argent. Mais ce même jour, Jane lui avait donné, parce que chaque matin, Jane se levait et disait, je dois donner de l'argent à Sherifa. Et moi, si j'entendais, je lui dis, mais tu as donné 50 000 hier, qu'est-ce que c'est? Elle dit, scoot, ne parle pas. Ce qui nous a toujours frappé avec Irène, et bien avant que je débarque à l'hôtel Continental, à Tanger, aux portes de la Médina, dans cet hôtel années 40, resté intact, qui me racontait sans un mot la jeunesse des Bowles, c'est que ce soit Paul qui ait présenté Sherifa à Jane. Sherifa, que Jane aima passionnément, mais qui au cours des ans lui était devenu un poison, aussi fort que les sachets de Tzeher qu'elle cachait dans ses plantes. Irène disait que Paul avait une grande part de responsabilité dans la dépression de Jane. Jane, avions-nous conclu avec Irène, ne tombait amoureuse que de personnes qui la tyrannisaient, alimentaient ses délires et ses obsessions, sa folie. Car pour Jane, nous l'avions compris très tôt, il y avait sa mère. Et tout ce que cette mère avait de monstrueux, comme toutes les mères, et davantage. Sherifa et Paul étaient pour Jane des figures maternelles. À cette époque, Irène et moi étions en conflit avec nos mères, et nous jubilions en lisant « In the Summer House », la pièce de Jane, où trois couples mère-fille, aux mères atroces, sont dépeints de manière impitoyable. Tu vois, avec ou sans toi, il a décidé de partir. N'aie pas l'air effrayée, Molly. Je ne vais pas te permettre de partir. Tu viens avec moi, avec ta mère, c'est ta place. Je n'aurais jamais dû te laisser te marier. Je n'aurais jamais dû te quitter et je ne te laisserai plus jamais, chérie. Tu es à moi, mon unique, mon propre sang. Tu es la seule chose dont je sois certaine en ce monde. Les difficultés qu'elle avait avec sa mère l'ont poussée à boire. Et c'est l'alcool qui lui a donné le haute tension du sang. Et c'est ça qui a provoqué son... Son accident. Oui. Sa mère lui tenait beaucoup trop fort. Parce que c'était son unique enfant. Alors, elle lui disait, tu es ma vie. Je n'ai pas d'autre vie que toi. Elle lui écrivait tous les jours, même quand on était au Guatemala, au Costa Rica, des lettres de sa mère, et Jane ne les lisait même pas. Quand elle recevait une lettre de sa mère, elle les jetait par terre et le piétinait. Oui. Oui, je lui ai dit, oh Jane, c'est honteux. C'est ta mère. Oui, je sais bien que c'est ma mère. Mais tu ne peux pas faire ça. Si, je peux. Ce n'est pas ta mère. À Paris, quand Irène me parlait de sa mère, je ne savais pas si elle l'aimait ou la détestait, ou les deux. Elle ne disait pas ma mère, elle disait ma maman, elle qui était six garçons. Et ce ma maman correspondait si peu à cette haute femme maigre, silencieuse et sévère, que j'avais vu à la montagne une fois dans la maison d'enfance d'Irène. À Tanger, pendant la maladie de Jane, Paul écrivait de fausses lettres rassurantes à la mère de Jane qu'elle signait, afin que sa mère, Madame Hower, ne puisse pas deviner son état. Avec un océan de distance, les lettres de sa mère torturaient Jane qui ne les lisait pas. Jane portait sa mère à l'intérieur d'elle. La mère intérieure de Jane se débattait, ne la laissait pas en paix. Elle hurlait au-dedans de Jane, comme nos mères peut-être, à l'intérieur de chacune d'entre nous. Et quand Jane rencontrait un être qui l'envahissait comme sa mère le faisait, elle le reconnaissait entre tous, sans le connaître. Elle s'attachait à lui, à elle, sans qu'il pût en être autrement. Elle se laissait habiter par l'autre, dévorer, posséder, envahir. Elle était habituée à ça. Elle avait été élevée comme ça. Demain, quand Lionel sera parti, je viendrai faire tes bagages. Est-ce que tu as aimé le papier avec la danseuse dessus? J'ai ta lettre avec moi. Il y en a d'autres à la maison. Un toréador avec une culotte couleur de satin pêche et un perroquet avec de vraies plumes. Et tu les as vus, chérie, ces gros perroquets. N'est-ce pas? Quoi? Comment peux-tu supporter d'être ici, là, dans cet endroit public affreux? Après notre vie ensemble, dans notre maison au bord de l'océan. J'avais l'habitude d'y retourner et de regarder le jardin par-dessus le mur. Puis les gens sont venus y vivre et je n'y suis plus allée. Mais après un moment... Non, je ferai tout pour toi, ma chérie. Tu auras tout ce que tu veux. Après un moment, ça allait mieux. Je n'en faisais plus. C'est comme être ici. Quoi, Molly? Qu'est-ce qui était comme être ici? Après un moment, je pouvais m'asseoir dans cette baraque et si je voulais, je pouvais imaginer que j'étais là-bas, dans ce jardin, dans le cabanon d'été. C'est fini, Molly. C'est fini maintenant. Terminé. Ah, j'ai une merveilleuse surprise pour toi, ma chérie. Tu devines? Non. Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai commandé une terrasse et un treillis et je sais où je peux trouver de la vigne. Plein de vignes rampantes, lourdes, avec des feuilles, juste comme celle... Non, je sais, je n'ai pas l'air bien, j'ai l'air malade, mais je ne le suis pas, je ne suis pas malade. Tu n'as pas l'air malade, tu as l'air différente. Il y a trois personnes ici. Mère, ma mère, moi-même et un monstre. On ne peut pas traiter avec le monstre. Ce n'est pas de ma faute. Même si je pouvais expliquer ce qui manque, je serais toujours là où j'en suis. Pas mieux. Il n'y a pas de compte à régler. Juste les comptes de la décence. Decency. Ma mère, c'était les garçons qu'elle dévorait. Ses filles, elle les chassait à force de vouloir les retenir. Je l'avais détestée, plus maintenant. Ma mère n'aimait pas Irène. Elle disait en parlant d'elle, cette fille. Elle trouvait qu'elle se tenait mal à table et qu'elle mangeait trop, comme un glouton. Et c'était vrai. Irène était maigre, mais elle mangeait beaucoup et très vite. Et moi, je savais pourquoi. Ce qui est curieux, c'est que Paul disait aussi que Jane mangeait trop et comme un glouton. Et moi, j'étais certaine que c'était à cause de sa mère. Et là, passant devant la petite cheminée de plâtre, au ras du sol de la salle à manger de Paul Bowles, j'imaginais très bien, devant le feu, Jane mangeait voracement une hanche de mouton avec les doigts, comme me l'avait raconté Paul, et allait serrer la main de visiteurs anglais en leur disant en riant « J'ai un côté spirituel, vous savez. » La nourriture, c'est toujours à cause des mères. Le père de Jane Bowles, inexistant, mort jeune quand Jane était enfant. Jane avait été élevée dans un matriarcat solide qui ressemblait à celui qu'elle retrouvait auprès de Shérifa et des amis de Shérifa. Paul racontait qu'il y avait eu à un moment donné jusqu'à 7 femmes marocaines chez Jane, qu'elle ne savait pas dire non à toutes ces femmes, qu'elle ne pouvait pas. Shérifa régnait sur l'appartement de Jane et sur les femmes qui y habitaient. Jane avait tellement besoin des autres pour se sentir exister. Elle ne pouvait pas être seule. Elle vivait au sein de groupes dont elle était le centre. Sherifa et Paul, chacun à leur manière, lui offraient cela. Elle était le point d'attraction des groupes d'amis constitués autour d'eux, et elle aimait ça. Une prima donna, disait d'elle Olivier Smith, l'un de ses amis. Elle était souvent difficile. C'était une prima donna qui voulait que les choses soient faites à sa manière. Mais c'était aussi une femme facile à vivre et tout à fait adorable. Elle pouvait être divinement charmante et devenir soudain difficile. Je lui disais, tu joues un jeu dangereux, un jour tu vas vraiment devenir cinglée. Une prima donna qui n'en pouvait plus de l'être, car ce statut d'enfant chéri et adulé, qu'elle recherchait et fuyait à la fois, elle savait bien d'où ça venait. C'est ça aussi qui l'a tuée, l'a forcée à l'excès. Quelquefois, je suis envahie par le plus étrange des sentiments en ce qui te concerne, et ça m'effraie. J'ai l'impression que tu complotes quelque chose, surtout quand tu es dans ce cabanon. Je crois que ce sont tes cheveux noirs qui me donnent cette impression. À chaque fois que je pense à une femme qui devient hystérique, je l'imagine avec des cheveux noirs, jamais blond ou roux. Je sais que ce que je dis n'a aucune réalité scientifique, c'est très personnel. On dit que les femmes rousses peuvent devenir folles, mais moi je n'ai jamais vu les choses de cette façon, et toi ? Moi je n'imagine jamais des femmes devenir folles. Pourquoi pas ? Elles deviennent tout le temps folles. Elles dépassent les limites. Quelquefois je m'imagine des scènes où elles deviennent diaboliques comme des louves. Je ne choisis pas, mais je fais toujours la même chose. Je n'ai jamais vu de femme folle. Et d'autre part, quelquefois, je me réveille la nuit avec un étrange sentiment d'isolement. Comme si je tombais d'une falaise et que j'atterrissais à des kilomètres de tout ce qui est proche de moi. Même les rancœurs et mon chagrin ne semblent plus m'appartenir. Plus rien ne m'appartient, comme si une ombre passait sur ma vie et la rendait obscure. J'essaie de répéter mon nom à voix haute, mais ça n'arrange pas les choses. Quand je me sens comme ça, je m'enroule dans ma couverture et je descends dans la cuisine. J'ouvre le compartiment à glace du réfrigérateur, je prends de l'eau gazeuse, je m'assieds à la table avec la lumière allumée. Et peu à peu, je me sens bien de nouveau. Il n'y a pas l'ombre d'un doute que chacun d'entre nous doit se confronter avec une ombre ou deux en vieillissant. Si on trouve quelque chose à faire, quand cette ombre passe, elle passe assez vite. Il ne laisse pratiquement pas de traces dans nos vies quotidiennes. C'était « Au pays de Jane Bowles », un feuilleton en 5 épisodes de Amalia Escriva. Avec Amalia Escriva, Chloé Baker, Edith Scob, Leslie Coudray, Olivier Martineau, Christophe Pellet, Geneviève Crouzet et la voix de Paul Bowles. Équipe de réalisation, Véronique Amiot, Jean-Michel Després, Guy Peramor, Jacques Taroni.